Good morning. You're listening to 102.7 CILU Radio. This is Sarah Nanaimo Bars, and you're listening to Outside the Rectangular Prism. We're going to start it off with a little swing. Actually, this is from the Swing Kids soundtrack, and so thus I categorize it as swing. This is Janice Siegel, and hopefully it'll wake everyone up. Here we go. Hello, hello. That was By Mere Bister Shane by Janice Siegel from the Swing Kids soundtrack. And next we're going to have Guerrier Merde by Objies. It means the tears of a man, which is how I feel when university piles up on me, like lately. I think you all can understand. And so we're going to have that song there. It's all about a little boy who is told not to cry. If you're Persian, you will understand it. If you're not, please appreciate the music. Azure no rohati.

صعب تغيب عن عين الثانية من غيرك ما بشوفش الدنيا ما بحسش روحي إلا في حضنك وما فيش غيرك حاسس بيا أحلى كلام في الدنيا كلامك أجمل حاجة في عمري غرامة نفسي أعيش وياك يا حبيبي وابقى معك حتى في أحلامك صعب تغيب عن عيني الثانية من غيرك ما بشوفش الدنيا ما بحسش روحي إلا في حضنك وما فيش غيرك حاسس بيا أحلى كلام في الدنيا كلامك أجمل حاجة في عمري غرامة نفسي أعيش وياك يا حبيبي وابقى معك حتى في أحلامك كتري ما حبيت أيامك مش عايز أقول كلمة بعد أعرف إيه بيجرالي في بعدك روح تسيبني وتروح عندك من كتري ما حبيت أيامك مش عايز أقول حبيبي معايا مش فرق الأيام ويايا الوقت يعدي وأنا في حضنك ما بقولش لا إمتى ولا كفاية شفت إزاي يا حبيبي بحبك كل منايا من أفضل جنبك لو في إيدي الدنيا بحلها يا حبيبي أنا أفضل محتاج لك لما تكون يا حبيبي معايا مش فارقة الأيام ويايا الوقت يعدي وأنا في حضنك ما بقولش لا إمتى ولا كفاية شفت إزاي يا حبيبي بحبك كل منايا من أفضل جنبك لو في إيدي الدنيا بحلها يا حبيبي أنا هفضل محتاج لك مش عايز اقول كلمة بعدك Hello, listeners. So that was an Arabic track whose name I do not know. I apologize. And before that, we had Sam Roberts with Every Part of Me. And next, we're going to have Hot Hot Heat with Middle of Nowhere. Keep listening. Hope you're having a great morning. Don't get mad if I'm laughing when the caffeine for all the five and phone calls. I haven't slept a single night in over a month, and not even once did it start to make sense to me. That was Hot Hot Heat with Middle of Nowhere. I am Sarah Nanaimo Bars, and this is Outside the Rectangular Prism on 102.7 CILU Radio. Next, we're going to have Dick Dale and his Deltones with Havana Gila. Yes, I have a little obsession with Havana Gila. It's kind of ridiculous. I spent the other week watching YouTube videos, and they were hilarious. There's one of like a Beatles-style Havana Gila, very cute. All right, so here we have it. Dick Dale and his Deltones with Havana Gila. На театральной площади немножко театрально стоял я, опершись плечом на оперный театр. А каменные кони оскалились нахально, и каменные ноздри их выбрасывали пар. Профессор Римский-Корсаков, привстав на пьедестале, никак не мог подняться, чтобы руку мне пожать. А я стоял и бредил то славой, то стихами, стихами или славой, но как их не смешать? Роились в небе звезды, садились мне на плечи, ах, только б не прожгли они мой импортный пиджак. Качаясь, плыли лица голубоватых женщин, стекали мне в ладони, а я сжимал кулак. А я дышал в полнеба, а я держал полмира. Гигант я или карлик, герой или пигмей. Носы приплюснув к стеклам, уставились квартиры. Я стекла гладил пальцем, я был их всех добрей. Я прыгнул на подножку, пропел звонок трамвая. Я 3 копейки бросил, как бросил золотой. Качаются вагоны, кондукторша зевает. Вожатый смотрит мимо, домой, домой, домой. Качаются вагоны, кондукторша зевает. Вожатый смотрит мимо, домой, домой, домой. Hello, dear listeners. And that was a Russian folk song whose name I do not know. Again, it's quite unfortunate. This happens sometimes in the jumble of foreign music that is in my library. Next, we're going to have The Morning Sad by Veruca Salt. And after that, a little Indian and some French. And we'll all have a happy morning. Wake up. Morning. And that was Vizhil Uravadi by Shareva. And I am Sarah Nanaimo Bars. This is 102.7 CILU Radio with Outside the Rectangular Prism. Next, we're going to have the very Canadian, the very electropunk Mastercraft with 1,000 Cigarettes. And after that, a little Zap Mama. And after that, a couple more wonderful gems to kick off your morning. We'll be right back. sa petite. Aller vous promener, faire un tout petit bidou du côté d'Harlem. Ah ouais! On va se promener, faire un tout petit tour du côté d'Harlem. On va se promener, faire un tout petit tour du côté d'Harlem. Du soir, on est à Malcolm X Boulevard. On va se promener. Pour voir l'histoire, Black au musée, Apollo Theater, Gospel, New Talent Show. Tout ça, sister, c'est programmé. On va se promener. On va se promener. Hip-hop, fait trop top, on se dit stop. Tiens, si on allait manger, on va se promener. Des blocs plus loin, tout du côté d'Harlem. L'atmosphère a changé. En Afrique, on s'est retrouvé. Le menu disait chicken, yassa, banane, plantain, djiboutien, riz parfumé. J'adore ça. Yassa, mappé, spicy, jus de gingembre, mango, bizarre. King Malcolm X, Harlem a bien changé. En tant qu'Afro-Européenne, on s'est senti intégré. Complètement. Et on se dit que. So that was Zap Mama with Harlem, and next we're going to have Gypsy by Oy Vavoy, and after that, one very last song. Keep listening, dear listeners. This is Outside the Rectangular Prism, ready to rock your socks. Now there's many tales in many cities to tell. Oh, oh, oh. And there's so many ways that that story is watching, they were watching. talk in the heart of a ghetto, make a little money, move on. Memory thieves in the heart of a ghetto, don't want ghosts moving on. But the gypsies on the loose in the heart of a city, and now you see him move on. That was Oy Vavoy with a Gypsy featuring Erlzinger. And last but certainly not least, we have Hocus Pocus with Comment on Faisait. And that will be our last song for the week, unfortunately. So until next Thursday morning from 8 till 9, I am Sarah Nanaimo Bars. This is Outside the Rectangular Prism, and you're listening to 102.7 CILU Radio. And now you're going to be listening to Hocus Pocus. Here we have it. Je me demande souvent, mais comment on faisait avant? Avant tous ces petits détails qui font notre quotidien, toutes ces choses qui aujourd'hui nous paraissent si naturelles. Ouais. Mais comment on faisait avant? Avant l'informatique, les portables, le sida, je me demande. Mais comment on faisait avant? Sans télécommande, il paraît qu'on se déplaçait pour zapper, ça c'est étonnant. Maintenant, 250 chaînes et la parabole. Avant, 250 pages et même par album. La littérature et lire 15 jours ça a été fun. Mais je troquerai pas tout cela contre ma PlayStation. Ma nostalgie a des limites et la technologie efface même un passé indélébile. Mais comment on faisait avant, à l'époque des feux à dents, sans le béton et l'air nauséabond, sans le gaz d'échappement qui font monter le mercure, dur de supporter l'air pur. Mais comment on faisait avant, yeah. Mais comment on faisait sans. Mais comment on faisait, comment on faisait, comment on faisait avant. Mais comment on faisait avant. Mais comment on faisait sans. Mais comment on faisait, comment on faisait, comment on faisait avant. Mais comment je faisais avant? Comment? Sans net et mon phone pour liquider mon solde et qui fait l'insomnie. Des destins scellés illico, presto, un clic, un texto, ciao. Mais comment on faisait avant? Sans la chirurgie, il paraît quand t'avais une sale gueule, c'était pour la vie. Mais comment on faisait? Hein? Avant que la science progresse, des rumeurs disent qu'à l'époque les gens mourraient de vieillesse. Non, maintenant les virus ont tout infesté. Avant il paraît qu'on s'aimait sans peur des MST, qu'on kiffait sans DSP, qu'on riait sans shit. Seulement maintenant on descend vite. Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait avant? Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait avant?